Salut à toi, tu écoutes le podcast Action Élections, un podcast qui t'aide à comprendre les élections européennes le 9 juin prochain. Pour ce dernier épisode, je vais aujourd'hui te parler de l'après-élection. Car oui, concrètement, que se passera-t-il après ce grand événement? Allez viens, je t'explique. Ça y est, les élections sont passées. Après le vote, les autorités vérifient les résultats et annonce le nom des députés élus. Ils s'assurent que ces députés n'ont pas de travail incompatible avec leur nouveau rôle. Ensuite, les députés vont donc se regrouper selon leurs idées, pour former des groupes. Pour créer un groupe politique, il faut au moins 23 députés de 7 pays différents. Ils ont tous jusqu'au 15 juillet pour se déclarer officiellement, dire comment ils veulent s'appeler et surtout ce qu'ils veulent faire. Après, la nouvelle saison du Parlement européen peut commencer, lors de ce qu'on appelle la session plénière constitutive, et qui aura lieu le 16 juillet. Les députés vont élire leur président, 14 vice-présidents et 5 questeurs, en gros les personnes qui s'occupent de l'administration. Et ils vont aussi décider des équipes de travail spécialisées. Ensuite, après cette grande réunion, ces équipes spécialisées, ces commissions comme on les appelle, vont tenir leur première réunion pour élire leur chef. Mais il manque surtout une personne clé, le président de la Commission européenne, dont l'élection aura lieu un peu plus tard dans l'année. Le candidat est proposé par les chefs des pays européens. Il va se présenter au Parlement, expliquer ses plans. Les députés votent ensuite pour choisir ce président. Puis, le Conseil européen et le nouveau président de la Commission vont choisir les commissaires, en quelque sorte les ministres de l'UE. Chaque commissaire passe une audition devant les commissions du Parlement pour montrer qu'il est qualifié et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Ils doivent aussi répondre à des questions écrites des députés pour montrer qu'ils connaissent bien leur sujet. Les commissions du Parlement évaluent chaque commissaire et puis ils transmettent les résultats au président des commissions et au président du Parlement. Et enfin, après toutes ces étapes, le président de la Commission présente son équipe et ses priorités politiques lors d'une session plénière. Les députés votent ensuite pour approuver ou rejeter cette nouvelle commission, et si tout va bien, l'équipe est investie pour un mandat de 5 ans. En gros, après les élections européennes, les résultats sont vérifiés, les députés se regroupent en groupes politiques, la session parlementaire commence le 16 juillet avec l'élection des dirigeants et la formation des commissions. En septembre, le président de la Commission européenne est élu, suivi par l'audition et la sélection des commissaires. Enfin, le président de la Commission présente son équipe et ses priorités, et les députés votent pour l'approuver ou la rejeter. Et voilà, c'était le dernier épisode de Action Élections. Avec tous ces épisodes que tu peux retrouver sur le site fadjet.net, tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire le 9 juin prochain. Allez, on se retrouve aux urnes et à bientôt !